je crois en rien. Même pas moi depuis 2 ans, debout, mais dans un coma, y'a pas une minute. Ouais, me laisse tranquille cette part de réflexion. J'ai espéré et eu affaire à de mauvaises illusions. J'ai l'impression que le gars m'attend et attend le bon moment pour me réserver la pire vie de merde du moment. J'arrive à prédire, à te faire une PA de mon futur. Mais pendant le visionnage, attends-toi à ce que ça sature. J'ai aucune peine évacuée pour faire de moi une victime. Juste que quand j'écris, je me mets ressenti en vitrine. J'ai déjà mon pire ennemi à combattre avant de monter sur une autre arène. Besoin d'être en osmose avec moi-même avant de l'être avec ma reine. J'ai plus envie de décevoir. Alors avant de me relancer, je compte monter au plus haut niveau de mon savoir. Je suis fier de ne pas être la copie double de mon père. J'ai vu que son rival a été vainqueur sur tous les revers. Ce qui ne m'a pas tué m'a rendu parano. Je mets des stops si tu réveilles mes sentiments pendant le repos. Quand je jette un œil dans les environs, on n'hésite pas à l'écraser. Imagine-toi les dégâts au moment où je l'ai ramassé. L'homme aime être entendu, mais lui porte des boules caisses. Après ça se plaint qu'on met de l'eau sur ses feux de détresse. Est-ce que l'homme est fait pour ne pas s'apprécier? Est-ce que la femme a pour but de nous scier? Pourquoi la balance penche plus d'un côté que de l'autre? Pourquoi l'homme a mis des avantages chez les riches et des poids chez les pauvres? Pourquoi l'homme n'a pas tout simplement mis la balance au milieu? Pourquoi pour vous ça fait un diamant bon menti? Tu es juste milieu, je me sens unique. Je sens que ça cloche quelque part. L'église ne stoppera pas les raisonnements qui me rend bavard. Le rap, c'est mon sac de frappe. Alors j'écris tout ce qui est bloqué pour qu'il me lâche la grappe. Pitié, j'ai trouvé un accès. J'ai creusé et me rends compte que je suis trop lâche d'esprit pour percer. À l'heure où j'écris, c'est le restant d'un cri à délai. Ça vient des loin, c'est toute une colline qui l'a dévalisé. Mon vécu sur terre n'a rien d'extraordinaire. Mais je veux l'ensoleiller, marre d'entendre des coups de tonnerre. Oui, je me plains du mauvais confort dans mes sacs. Je peux pas m'attarder sur la flic, sinon à la fin je me zappe. Quand on pose une bombe au centre d'une famille, quand le créateur est celui qui vous a bu depuis petit, tu tombes tellement haut que t'as le temps de mourir sans froid. De préparer un coup pour l'abattre de sang froid. Mais heureusement, la musique m'a servi de parachute. Je te prouve enfin que je suis capable d'entamer une discute. Te voilà en possession du résumé de mon histoire. C'est une suite, moi-même je ne sais pas, alors va savoir. Toute cette merde qui m'envahit, et franchement, ça m'a fait du bien, tu vois. Mais à l'heure où je te parle, ces messages-là, tout ce mal-être, c'est ce qui crée ma performance, c'est ce qui crée sans chaud, c'est ce qui crée SAM, c'est ce qui a créé sans style épique et au-delà de la chaleur, fils. J'ai aucune peine évacuée pour faire de moi une victime. Juste quand j'écris, je mets mes ressentis en vitrine.